la chance, ta sota ta souvenir, bon ayoho. Kolinga gana liki oho, chérie naga moke ya kate oho. Lokolo zaba pesa gabaji, la koma lokola baninga, la non toi. Bunga gana koko ta bon ayo, noki obo ya gai, babio. Lokolo zaba pesa ga chance, ta sota ta souvenir, bon ayoho. Kolinga gana liki oho, chérie naga moke ya kate oho. Lokolo zaba pesa gabaji, na koma lokola baninga batondwa. Bunga gana koko ta bon ayo, noki obo ya gai, babio. Bunga gana koko ta mama. Chérie, n'a pas qu'à la canisse à tailler.